Ma vie commence à BSM en 1980 000. Un père d'Auker qui tombe malade dans les années 90. J'étais petit donc à vrai dire je comprenais pas. Quand la daronne pétait les plombs et que souvent ne rigolait pas. La tête baissée sur mes deux pieds dans mes complices. Écoute le cœur d'un gosse perdu qui vient s'échouer sur des compiles. Ma seule copine s'appelle la rue et je l'adore. Elle fait si peur, elle fait si mal, mais j'ai tout fait pour qu'elle m'adopte. Depuis que mon père nous a quittés, elle m'a récup. Je fais du rap pour m'évader, je m'en bats les couilles de la répute. On traîne souvent dans le chemin des barbelés, rêvant d'une vie sous les palmiers devant la mer d'Argelès. J'ai trop pleuré pour vous laisser encore des larmes. Et j'en savent pas le prix d'une vie, mais connaissent bien celui d'une arme. Je vous dirai que nos ruelles sont des miracles, que les voyous ont tous un cœur et que mes potes sont des pirates. Y'a de l'amour dans nos ghettos, y'a de l'espoir dans nos ghettos. Il faut y croire dans nos ghettos, écoute l'histoire de nos ghettos. Y'a de l'amour dans nos ghettos, y'a de l'espoir dans nos ghettos. Il faut y croire dans nos ghettos, écoute l'histoire de nos ghettos. Tous les matins au rendez-vous, je tiens les murs avec mes potes. La haine se check avec les poings et l'amitié avec ses pommes. Adolescent, j'avais l'image d'un incapable. Un collégien qui vient en cours sans le carnet, sans le cartable. À cette époque, je m'intéressais au groupe de rap. Je m'en bats les couilles de leurs brevets et nique sa mère les cours de maths. 4 ans plus tard, j'ai des regrets et je réalise que le parut m'a dégagé et que devant, il y a mes valises. Dans le quartier, il y a peu de plans pour du bon tard. On te propose de vendre des armes, de la bonne gamme ou du bon tard. Je voudrais une femme et la belle fille dans une villa. J'ai l'impression que mon décor est trop fidèle à son grillage. L'amour c'est beau, mais c'est une carte qui est vicieuse. Elle peut nous tuer dans une cassure et te rendre dingue quand tu vis seul. Je m'appelle Ekal, j'ai un rappeur venu d'en bas. N'écoutez pas ces rimes fragiles, tout simplement pour que le temps passe. Y'a de l'amour dans nos ghettos, y'a de l'espoir dans nos ghettos. Il faut y croire dans nos ghettos, écoute l'histoire de nos ghettos. Y'a de l'amour dans nos ghettos, y'a de l'espoir dans nos ghettos. Il faut y croire dans nos ghettos, écoute l'histoire de nos ghettos. Y'a de l'amour, y'a de l'espoir, il faut y croire, écoute l'histoire. Y'a de l'amour, y'a de l'espoir, il faut y croire, écoute l'histoire.